Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le capital de Karl Marx. Ce livre qui est un monument, quoi qu'on puisse en penser, qui d'autre part a exercé dans le développement de la pensée européenne un rôle considérable, est aussi mal connu qu'il est souvent cité. Marx a voulu être un économiste professionnel qui réfutait tous les économistes professionnels de son temps en découvrant ce que ceux-ci n'avaient pas découvert, à savoir l'origine de la plus-value et du même coup l'origine des illusions dans lesquelles vivent les capitalistes. Voilà le centre du capital tel que Marx l'a pensé. Le capital de Karl Marx, résumé ici en quelques mots par le sociologue Raymond Aron à l'émission Documents en 1968. Que reste-t-il de l'œuvre de Marx aujourd'hui? Le capital est-il encore un ouvrage pertinent et de quelle manière peut-il encore s'appliquer à notre réalité contemporaine? Que nous dit Marx dans le capital et comment expliquer que ce livre continue d'être si lu encore aujourd'hui? En cette période de crise économique, le seul capital qui semble prendre de la valeur, c'est celui que Karl Marx a écrit il y a plus de 140 ans. Au Japon, ce livre qui prédit la chute du capitalisme vient d'être publié en manga, ces bandes dessinées dont les Japonais sont friands. 6000 exemplaires du Capital ont été vendus en quelques jours à peine et l'ouvrage sera traduit en anglais, en coréen et en chinois pour être exporté en Asie et en Occident. Le Capital en version manga, c'est vrai, croyez-le ou non, les Japonais ont en effet lancé une version manga du Capital en 2008. Pour faire l'histoire du Capital, mon invité Isabelle Garot, philosophe spécialiste de Marx que l'on retrouve dans nos studios de Paris. Isabelle Garot, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de Marx, on parlera du Capital un peu plus loin dans l'émission, mais il y a déjà pas mal à dire sur le personnage lui-même. Présentez-nous-le, qui est Karl Marx? Bien, Karl Marx est un jeune Allemand qui va dans un premier temps s'occuper de politique dans le cadre qui est celui, alors dans les années 1840, dans la décennie 1840, cadre qui est celui d'un État d'ancien régime, la Prusse de son temps, et qui va participer avec un certain nombre d'étudiants à une contestation de ce système qui reste féodal. Mais Marx va rapidement aller au-delà des revendications de ses camarades, qui sont des revendications pour un système constitutionnel, pour une démocratie, en tout cas pour des acquis démocratiques. Et très rapidement, Marx va s'intéresser à la réalité sociale, qui est celle de son temps, dans le cadre d'un travail de journaliste. Il est à la fois étudiant et se forme sur le plan juridique et philosophique, mais il a tout de suite un ancrage dans la vie réelle, je dirais, à travers son travail de journaliste. Et il va étudier à travers différents articles la réalité sociale allemande, puis rapidement la réalité internationale, en découvrant l'Angleterre quelques années après, en découvrant la France avant l'Angleterre et en se formant ainsi. Oui, parce qu'il va effectivement beaucoup bouger, parce que ses idées seront très contestées, vont déranger certains pouvoirs publics et il bougera beaucoup, puis on y reviendra. C'est lors d'un de ses voyages, justement, de ses séjours à l'étranger, à Paris, qu'il va rencontrer Engels. Parlez-moi de ça, parce que c'est une rencontre qui va être déterminante. Dans quelles circonstances rencontre-t-il Engels? Oui, absolument, c'est une rencontre déterminante. Il va rencontrer Engels deux fois en réalité, la première fois sans qu'il y ait vraiment de suite, et puis la deuxième fois, ce sera le début d'un travail commun qui ne s'arrêtera qu'avec la mort de Marx, et la deuxième fois, c'est en 1844 à Paris, donc on est dans la période qui précède assez immédiatement la révolution de 1848. Marx a quitté l'Allemagne parce que le journal qu'il animait y a été interdit. Il pense qu'il faut passer à une autre étape de la lutte politique. Il va rencontrer Engels qui lui-même, jeune Allemand à l'époque, est aussi engagé dans cette lutte. Et ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'ils partagent énormément d'idées. Ils vont commencer à écrire ensemble et ce travail de collaboration ne s'arrêtera plus jamais. Ils seront très proches, en fait. Quelle est la nature de leur relation, la profondeur, au fond, de cette relation, Isabelle Garot? C'est une relation qui est profondément amicale, mais cette amitié se construit sur des affinités intellectuelles et politiques très, très importantes dès cette époque. On peut ajouter peut-être aussi que par la suite, les difficultés financières permanentes de Marx vont faire que Engels, qui lui est obligé de travailler très tôt dans les usines de son père, qui sont d'abord à Manchester, va aider financièrement la famille Marx tout le temps. Et là, le rôle d'Engels est aussi un rôle tout à fait décisif qui va permettre à Marx de travailler. Et parenthèse, parce que vous m'ouvrez la porte, puis on ne l'a pas évoqué, mais c'est intéressant de le savoir quand on parle de Karl Marx, qui va donc écrire Le Capital. Parlez-moi un peu de ses origines. De quel genre de milieu est-il issu? Confortable, classe moyenne, plutôt pauvre? Non, il appartient à un milieu, son père est avocat, d'origine juive, qui va être, en raison des mesures antisémites qui sont prises par l'empereur qui est arrivé sur le trône au milieu des années 1840, qui va être obligé de renoncer, mais il s'agit plutôt d'une famille qui est athée, mais néanmoins quand même de renoncer à la foi juive et de se convertir par obligation. Ouais. Donc Marx appartient à ce milieu-là, qui est un milieu ouvert, très cultivé, et en même temps, lui va suivre une trajectoire qui l'amène à se radicaliser et assez rapidement à se revendiquer du socialisme et du communisme, ce qui n'est pas le cas de sa famille, bien évidemment. Bon, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est bien sûr que c'est un penseur, un grand penseur, et qu'il influencera énormément la pensée économique moderne, avec Le Capital entre autres, puis on y arrive dans quelques minutes. Mais c'est aussi, puis vous l'avez évoqué, un homme d'action. Donc, il est présent dans les deux dimensions. Comment résumer cette action politique de Marx? De quelle manière il va s'engager? De quelle manière cet engagement-là va être important? Je vous propose d'abord un court extrait d'une entrevue du professeur Michel Chossudovski qui en parle à l'émission Portrait de grands économistes qui a été diffusée en 1983. L'influence de Marx est très importante. D'une part parce que Marx fut un révolutionnaire sur le plan des idées, mais essentiellement sur le plan de la lutte sociale, la lutte politique. Donc, il eut une influence très importante, par exemple, sur le mouvement de la sociodémocratie en Allemagne, la fondation du Parti sociodémocrate, sur toute la polémique de son temps. Il a remis en question les idées des socialistes utopiques. Alors, Isabelle Garraud, quelle sera l'importance, quelle influence, au fond, aura Marx politiquement, je dirais? Alors, l'influence de Marx politique, elle se joue aussi après sa mort. Mais si on parle de Marx lui-même, c'est vrai que son engagement politique est présent donc dès ses premières années où il commence à travailler. Par cet engagement de journaliste, par son engagement politique qui accompagne ce travail de journaliste, il va s'investir dans le mouvement ouvrier qui commence alors à se construire, à se structurer. Il va appartenir à plusieurs organisations. L'organisation principale à laquelle il appartiendra, c'est l'Organisation internationale des travailleurs, la première internationale. Mmh. Et là, dans ce cadre-là, il va avoir un rôle militant, avec Engels d'ailleurs, tout à fait important. Et on peut dire que tout au long de sa vie, il va combiner des recherches théoriques et une implication politique, en ne fétichisant pas le parti, les structures politiques, mais en essayant à la fois d'intervenir par sa pensée et puis d'intervenir dans le cadre de ce mouvement ouvrier en formation. Oui. Venons-en au Capital, cette œuvre importante. Comment Marx en vient-il lui-même à s'attaquer au Capital, à écrire Le Capital? Alors, la rédaction du Capital, elle va se dérouler assez tardivement, finalement. Mais le projet est plus ancien. Marx, après cette période de jeunesse, et à partir du moment où il est exilé en France, puis en Angleterre, découvre, et notamment en Angleterre, la classe ouvrière moderne, et il découvre la grande industrie, découvre les conditions de travail et d'exploitation, et il pense à ce moment-là qu'il faut absolument réfléchir à la question de la production et pas simplement à la question politique de la démocratie. Mais il s'agit de relier pour lui plutôt ces deux thématiques. Donc les recherches qu'il va mener sur les questions de la production et du travail l'amènent à réfléchir dès le milieu des années 1840 à ces questions. Dans un des grands livres qu'il écrit avec Engels, qui est l'idéologie allemande. Et là, il commence à mettre en place un programme de recherche qui va se poursuivre avec la rédaction du Capital. Mais cette rédaction va prendre énormément de temps. D'ailleurs, l'ouvrage restera inachevé. Mmh. Et on va avoir, chez Marx, plusieurs brouillons qui sont devenus presque des livres à part entière aujourd'hui, puisque ces manuscrits, en fait, comportent énormément d'éléments qui ne se retrouvent pas forcément dans l'édition définitive du Capital. et qui témoigne de cette recherche sur le terrain de ce que Marx va appeler la critique de l'économie politique. Oui. Donc c'est un projet en plusieurs étapes et qui fait que le Capital va être rédigé. Premier livre va apparaître en 1867. Et jusqu'à sa mort, Marx ne cessera de remanier cet énorme édifice. Ouais, et qui sera complété de fait parce que c'est Engels qui poursuivra. Marx complétera le premier tome, le premier livre, mais la suite appartient entre autres à Engels. Question complexe, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Capital, bon, la notion de production, donc, vous nous le disiez, qui est très, très importante, qui est le point de départ, comprendre le mode de production dans le régime capitaliste, mais comment résumer le Capital? Qu'est-ce que nous dit le Capital et de quelle manière ça nous amène un peu ailleurs? Oui, alors évidemment, c'est très difficile de résumer le Capital. C'est un ouvrage énorme qui comporte 3 livres, en fait, plutôt 4 d'ailleurs, puisqu'on ajoute les théories sur la plus-value. C'est un ouvrage donc, que Marx ne cesse de remanier, qui est toujours remis sur le métier. Et ce qu'on peut dire, c'est que le projet qui lui donne son unité, c'est une analyse de ce que Marx appelle le mode de production capitaliste. Donc ce mode de production, c'est à la fois, comme son nom l'indique, une façon de produire des biens matériels, des services, des richesses, mais ce sont des rapports sociaux. Et ce que Marx entend par capital, ce qui va donner donc son titre à cet ouvrage, avec ce critique qui est, avec son sous-titre qui est critique de l'économie politique, le titre de capital, pour lui, désigne non pas une chose, non pas cette richesse abstraite qu'est le capital sous forme monétaire, mais un rapport social. Et dans le capital, on va trouver cette analyse de la façon dont, dans le capitalisme, les marchandises sont produites de façon tout à fait nouvelle, tout à fait innovante par rapport au mode de production antérieur, en lien avec l'exploitation du travail, en lien évidemment avec le développement du marché, également avec une forme d'État nouvelle, etc., etc. Donc on a à la fois un livre qui est, je dirais, tentaculaire, qui va développer toutes ces directions, mais qui en même temps a une unité très forte, qui est l'unité même du capitalisme. Ouais. Avec cette notion évidemment de plus-value que vous avez évoquée, mais au fond, la force de travail, l'exploitation de cette force de travail, donc des ouvriers par les capitalistes. Je résume, puis vous complétez, mais il y a une marge qui se dégage, une plus-value, en fait, et c'est toute cette théorie là que Marx va développer, que le capital, l'enrichissement se fait, au fond, par l'entremise de ces travailleurs, et c'est la marge. Ils sont payés, ces travailleurs, mais il en reste un peu. Et c'est ça la plus-value dont parle Marx, en fait. Oui, tout à fait. Alors, Marx va insister sur le fait que c'est sa vraie découverte, hein, la découverte véritablement originale. Il reconnaît que les luttes de classe ont déjà été analysées, même s'il développe ce point de manière originale. La question de la plus-value est vraiment une découverte qui lui est propre. Et l'analyse, si je peux la résumer très rapidement, est la suivante. L'analyse de départ, c'est l'analyse de la marchandise. Marx dit toute marchandise présente à la fois une valeur d'échange et une valeur d'usage. Une valeur, plus exactement, qui s'exprime dans une valeur d'échange. Et la force de travail est aussi une marchandise, d'un type particulier, en tout cas, sur le marché du travail capitaliste. Elle se comporte comme une marchandise. Cette marchandise, donc, va être achetée. Elle va être achetée et utilisée. Et il se trouve que c'est la seule marchandise existant dans le circuit capitaliste qui, étant utilisée et consommée, crée plus de richesses qu'elle n'en a coûté. Donc là, on a vraiment une marchandise très singulière, puisque son utilisation, c'est-à-dire la mise au travail du travailleur, sur la base du contrat de travail qui a été signé par les deux parties, la mise au travail du salarié fait que le salaire qui va être le prix, la valeur d'échange de cette force de travail, est inférieur à ce qui va être le résultat de sa mise au travail, donc une valeur supérieure créée par le travail, une richesse supérieure créée par le travail, dont une partie donc va permettre de rémunérer le salarié, mais une autre partie va consister dans cette plus-value. Une partie de cette plus-value étant réinvestie dans la production, mais une partie de cette plus-value constituant les profits et étant appropriée par le capitaliste. Ouais. Ça a l'air tout simple, tout bête, mais c'est à l'époque vraiment quelque chose de complètement neuf, d'un peu révolutionnaire dans la pensée économique, de comprendre et d'expliquer ça aussi clairement. Qu'est-ce qui en reste du capital aujourd'hui? Je vous propose d'abord, Isabelle Garraud, d'écouter un extrait de reportage préparé par Manon de Lebensky en 2009, qui constatait à l'époque un mouvement de regain d'intérêt pour le capital dans la foulée de cette fameuse crise financière des années 2008, 2009, 2010. À Madrid, au détour d'une rue commerçante, on découvre la minuscule librairie d'un groupe d'étudiants de gauche. Ici, depuis un an et demi, les ventes ont augmenté, dit la gérante, Mercedes. Marx, Engels, Lénine et Trotsky, sus escritos económicos. Les clients demandent les classiques du marxisme, dit-elle, comme Le Capital, La Brique, écrite par Karl Marx pour critiquer l'économie industrielle du 19e siècle. Y que hay mucha gente que sí quiere saber qué pasa con el capitalismo. Les gens cherchent des réponses à la crise, explique Mercedes, ou simplement à comprendre la base. Même constat à Rome, en Italie, pour le libraire Paolo Di Raimondo. Lire Marx, au-delà de la déviation de sa pensée qui a été faite par l'Union soviétique. Paolo, qui se spécialise dans les livres anciens, a quand même des visées bien mercantiles. Mais c'est vrai qu'une première édition du Capital, ça vaut beaucoup, hein. Oui. On aimerait bien l'avoir. Les statistiques sont difficiles à obtenir parce qu'il y a plusieurs éditions du Capital, mais les ventes auraient au moins triplé. Alors, qu'est-ce qui attire tant chez Marx encore aujourd'hui? Comment expliquer ce regain d'intérêt, Isabelle Garraud, pour lui, dans la foulée, par exemple, de cette crise de 2008? Oui, alors je crois qu'il y a deux points. D'abord, il y a la capacité de Marx à expliquer les crises, et cette question de la crise est finalement peu abordée ou mal abordée par la tradition néolibérale. Même si finalement cette tradition est très capable de provoquer ces crises par les politiques économiques qu'elle met en place, mais par contre pour l'analyse elle est défaillante. Et là on trouve chez Marx évidemment une analyse du capitalisme qui est une analyse des contradictions inhérentes au capitalisme. Alors ça traverse tout le Capital, mais même toute l'œuvre de Marx. Hein. Le capitalisme c'est pas un fonctionnement, c'est un fonctionnement et un dysfonctionnement. Mmh. Et ces crises sont pour lui récurrentes, elles sont la marque même d'un système qui n'est pas sans fin, qui n'est pas éternel, qu'il faudra remplacer par autre chose. Et dans le contexte de 2008, je pense que le regain d'intérêt pour Marx, c'est d'abord un regain d'intérêt pour cette analyse des crises, pour cette analyse aussi de la dimension financière et du rapport entre économie financière et économie réelle, et puis pour cette recherche, alors en dépit de ce qui est dit dans le reportage, bien évidemment, les mésaventures politiques du marxisme sont diverses et à certains égards sont absolument catastrophiques, mais dans la pensée de Marx, il y a une recherche alternative qui explique aussi ce regard d'intérêt, je crois. Ouais. On écoute dans la même veine que ce que vous venez de nous décrire sur cet aspect moderne, sur cette bonne compréhension de Marx de la mécanique des crises, à nouveau le professeur Michel Chossudovsky. Marx a innové dans des domaines très importants comme celui des cycles économiques. Il a, je pense, compris le mouvement d'une économie, récession-prospérité, et il a également analysé la problématique des crises économiques. Dans ce sens, il est précurseur de John Maynard Keynes. Marx a développé tout l'outillage qui nous permet de comprendre l'interaction de l'offre et de la demande effective. Il a abordé le problème des crises en ce sens qu'il en a identifié les causes en mettant l'accent surtout sur la question de la surproduction. Pourquoi, dans certaines circonstances, une économie produit trop? Et lui-même, de son vivant, il a vécu les premières crises, les premières grandes récessions du 19e siècle. Michel Chossudovsky, qui dans cet extrait parle de l'influence qu'aura Marx sur, par exemple, de grands économistes comme Keynes. Un mot là-dessus, Isabelle Garraud. De fait, effectivement, comment marquera-t-il la suite? De quelle manière il sera important dans le développement de la pensée économique moderne? Dans l'influence qu'il aura sur d'autres? Son influence est assez considérable, évidemment, sur la pensée économique. Avant d'y revenir un instant, je crois qu'il faut aussi signaler son influence, évidemment, sur le terrain politique, hein, du côté de l'organisation du mouvement ouvrier, de toute la réflexion qui s'associe, justement, à ces luttes politiques. Sur le terrain économique, académique, disons, il va y avoir de multiples lectures de Marx et du marxisme. Il va y avoir des reprises, des analyses allant dans des sens divers. Et Keynes, qui n'est pas marxiste, va faire partie finalement de cette descendance très indirecte, disons, qui réfléchit à la fois autrement, mais aussi dans une certaine filiation avec le marxisme. En tout cas, avec un débat qui va se renouer après coup, je dirais, sous la forme peut-être aussi des critiques critique que le marxisme adressera au keynésianisme, à la question aujourd'hui de la manière si la question de savoir si l'on peut relancer aujourd'hui des politiques keynésiennes ou si le capitalisme est en bout de course. Et je crois que la grande divergence de ce point de vue-là entre Keynes et Marx, c'est que pour Keynes, il y a l'idée que le capitalisme peut sortir à un moment donné de cette période de crise, qu'on peut avoir une stabilisation avec un certain nombre de mesures de politique économique, et que Marx ne croit pas à cela, qu'il pense qu'il faut passer à autre chose, qu'il appelle le communisme, et qui est une sortie hors du capitalisme. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison de l'ancien cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale. Alors justement, Isabelle Garraud, sur cette alternative, cette sortie du capitalisme, sur ce modèle proposé, le marxisme, on a vu l'importance qu'aura eu la pensée économique de Marx. Est-ce que ça, la dimension politique, l'alternative au capitalisme, le marxisme, ce n'est pas d'une certaine manière sa grande faillite au fond? Oui, bien sûr, je crois qu'il faut commencer par là. Effectivement, il y a un échec qui reste à analyser d'ailleurs de manière fine, hein, mais un échec des pays dits socialistes. Et de ce point de vue-là, on a à la fois aujourd'hui une crise du capitalisme et une crise des alternatives au capitalisme. Je crois que c'est tout à fait clair. Ensuite, la première chose peut-être à dire, c'est que on voit renaître, et c'est ce que disaient les reportages précédents, on voit renaître aussi une recherche d'alternatives dans le contexte d'une crise du capitalisme qui n'est pas finie, mais qui continue. Une recherche d'alternatives qui ne se réfère pas nécessairement au marxisme, mais recherche dans laquelle le marxisme a des choses à dire et à apporter, il me semble. Et il faut signaler que pour Marx, ce qu'il appelle le communisme, en dépit d'une histoire qui s'est réclamée de lui ensuite, n'est pas du tout un programme clé en main, qui n'a jamais, dit-il, fait bouillir les marmites de l'avenir, mais qu'il y a là des éléments de réflexion pour quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur depuis ses années de jeunesse, c'est la question de la démocratie. Et dans Le Capital et dans une série d'autres écrits, il va insister sur le fait que pour lui, la vraie démocratie, c'est la capacité des hommes, collectivement, à diriger la production des richesses, à l'organiser, et à l'organiser de manière véritablement démocratique. Donc là, il y a quelque chose aussi qui consonne, disons, avec les revendications démocratiques qu'on voit monter aujourd'hui dans cette situation de crise qui est la nôtre. Isabelle Garraud, c'était captivant. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci beaucoup. Isabelle Garraud, spécialiste de Marx, présidente de la GEM, la grande édition Marx-Engels. Si vous voulez réécouter ou rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.